se terminent les histoires. C'est comme ça que commence mon histoire. Dans mes pensées les plus fortes, jamais je n'aurais espéré un jour te voir dans cet état, te voir soupirer. Une épée dans le dos, j'ai pour toi. Une épée dans le dos, je me tiendrai tout droit. Une épée dans le dos. On m'a donné des armes, à moi de m'en servir. Au petit matin, tes yeux s'adoucissent, je vois enfin les tiens. Une épée dans le dos, je me tiendrai tout droit. Une épée dans le dos, j'ai pour toi. Une épée dans le dos. Ça oui, oui j'ai envie.